Alberto Tozzi, Gloria sur France Bleu, Drôme Ardèche. On passe à notre rendez-vous côté culture à présent avec Patrice Caillé. Et Patrice, vous êtes avec un jeune chanteur qui se produira demain soir au Train Théâtre à Porte-les-Valences. Teamed up, Timothée Dupéré. 4 albums à son actif, une voix mélancolique, vous allez l'entendre. Des textes le sont aussi d'ailleurs. Mais c'est un homme heureux en général. Teamed up, bonjour. Bonjour. Alors si je m'en réfère à votre dernier clip, Les Immortels, vous y êtes nu pour illustrer votre quatrième album. La musique également est dépouillée dans cet album ? Alors oui, ça va jusqu'au dépouillement de la musique. Essayer de ne pas trop en mettre. Il y a un producteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Rick Rubin qui dit « less than zero ». Et c'était un peu ça l'idée de mettre moins que rien. Et ensuite, je crois que sur les thématiques abordées, il y a un certain lâcher prise aussi et une spontanéité d'autant plus poussée par un texte, ne pas avoir crainte de parler de soi aussi, un peu plus en tout cas. Sibelius fait pas ça parce que c'était vraiment du classique, mais je trouve que ça a de la gueule. Donc. Et puis d'avoir des thématiques, par exemple dans le Club des 27, où il y a le deuil personnel, des histoires familiales qui se mêlent comme ça à d'autres fraises qui sont plus fictionnelles ou un regard porté sur l'extérieur. Mais je crois qu'il y a aussi un vrai travail sur le regard face à soi dans une mise à nu, d'accepter aussi. D'accepter une forme de confiance et de confidence. Je suis resté 15 minutes, la tête ancrée dans le bitume. Je me suis noyé dans les rues en enchaînant les boulevards. Alors Teamed up, quand on est finalement si impliqué personnellement dans ces chansons, ça doit être une démarche un peu délicate de les interpréter devant un public, piano-voix, comme ça. Bah, ça aussi, c'est une sacrée mise à nu, non ? Oui, bien sûr, c'est une vraie aventure sur le long terme, le rapport à un public sur une scène. Au début, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, parce que on fait aussi un métier parfois pour exprimer des choses qui seraient difficiles d'exprimer face à un public. Et en même temps, on fait un disque aussi pour cette restitution sur scène, pour cette spontanéité, cette urgence du moment présent à partager quelque chose. Je te laisse un demain, je te laisse bien peu, c'est vrai, pour rendre la nuit un côté lumineux. C'est ça, moi, ce qui me plaît beaucoup dans la scène, c'est l'art vivant, c'est le spectacle comme ça, sans filet. Un disque, on peut reprendre la voix, on peut reprendre des tas de choses, on peut retourner au début de la chanson et rejouer le piano. Là c'est comme ça, c'est brut, c'est sur le temps présent, et ça je trouve que c'est assez fort. Après, le rapport au public, je crois qu'il a besoin aussi d'expérience, de concerts, de roder un spectacle sur la route. Je pense que ce qui est très important pour s'amuser avec les gens, c'est de maîtriser d'abord le fond, d'avoir bien travaillé, et puis ensuite on s'éclate sur la forme. Il a jeudi, rien, rien, rien, rien ne vaut la vie. Qui est-ce qui chantait ça? Et jolie reprise, c'est Alain Souchon. Exactement. Oui. C'est demain soir le rendez-vous avec Teamed up et son piano, demain 20h au Train Théâtre de Porte-les-Valences. Merci Timothée. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà, et deux invitations à emporter tout de suite d'ailleurs pour aller applaudir Teamed up au Train Théâtre demain soir, 04 75 40 10 10. Allez découvrir ce jeune homme, Patrice Caillé, qui revient demain matin évidemment pour les infos culture. Ce sera dans le 6-9. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ?

Donc surpris, Goldman avoue qu'il n'aurait jamais parié sur cette chanson. Ce sera pourtant le titre de l'album. Cet hymne à l'amour des temps modernes devient immédiatement un hit sur les 5 continents. En France, Pour que tu m'aimes encore sera numéro 1 des ventes pendant 3 mois, ce qui transforme alors la chanson en un collector qui met tout le monde d'accord. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Amour s'y passe. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts. Ça, c'est un collector. Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion. Et vous retrouvez évidemment en France Bleu Collector en écoutant podcast sur l'appli Radio France quand vous le voulez. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est la même chose pour Grandeur Nature. Notre rendez-vous avec la nature le lundi, le mardi, le mercredi, grâce à Jean-Bernard Catella, détendu au bord de la rivière, à essayer d'observer les castors. Oui, parce que c'est pas évident de les voir. Ah, ben oui, ça, c'est. J'ai jamais vu. Oh, ils laissent des indices. Ben, on voit leur construction. Oui, oui, oui. Voilà, suffisant pour qu'on puisse, deviner leur présence. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué de les voir. On va, pour ce dernier rendez-vous, Christophe, parler de sa répartition, justement. Comment il occupe un territoire, le castor, et comment il le partage avec ses congénères, sachant que c'est un animal territorial. On en parle avec Jean-Pierre Choisy, qui est naturaliste, qui est biologiste de la faune sauvage. Très bien, à tout de suite après Kyo et Cœur de Pirate. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste ça ne change rien. Je reste de ses mains, le bonheur ancré dans mon âme. C'est même trop pour un seul homme. Je l'ai vu partir sans rien dire. Il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma vie. Avant et Cœur de Pirate en duo sur France Bleu Drôme Ardèche, c'est notre rendez-vous grandeur nature au cœur de l'après-midi avec Jean-Bernard Catella et le castor, formidable ingénieur des écosystèmes qui est notre ami, hein, Jean-Bernard, il faut bien le dire, oui. Avec une population en augmentation selon l'Office français de la biodiversité. Et pour ce dernier rendez-vous donc de la semaine, nous allons parler de la manière le castor de se répartir un territoire entre bons castors voisins, évidemment. Oui, hein. Bah oui. En d'autres termes, combien un cours d'eau peut accueillir de castors en même temps? Sont-ils prêts côte à côte ou comment ça se passe? On les compte? Ben justement, allez-y. Est-ce qu'ils sont prêts à partager un territoire avec des congénères? Oui. Chez le naturaliste biologiste Jean-Pierre Choisy, on dit que cette espèce est territoriale. Le comportement territorial, c'est un comportement d'autorégulation démographique. C'est-à-dire que quand il y a moins à manger, les territoires sont plus grands, donc il y a des espèces plus faibles, et les non-reproducteurs sont tolérés, mais ils ne se reproduisent pas. En gros, ça peut varier de quelques centaines de mètres pour une famille. Si c'est bourré de nourriture, alors la nourriture, il faut qu'il dérive avec beaucoup de boisement dans les premiers mètres de saule, ou de peuplier, ou des deux, ou de bouleau, mais sinon il y a très peu de bouleau. Et s'il y a très très peu à manger, mettons un canal artificiel ou bref berges enherbées avec un saule ou un peuplier tous les 10 mètres, et bien une famille, au lieu de se contenter de, mettons, de quelques centaines de mètres, 3-4 kilomètres ou une demi-kilomètre, il va lui falloir 3-4-5 kilomètres. Donc c'est en fonction. Ben c'est, ce qui compte, c'est toujours la bouffe. Le castor, ce qui est spécial, c'est qu'il a, toujours les mêmes besoins. Bon, les plantes qui lui permettent de vivre toute l'année, c'est ou les saules, ou peupliers, ou bouleaux. sera l'écorce toute l'année, et les parties vertes en plus au printemps, puis quelques plantes herbacées. Les zones, c'est que les parties vertes, donc en plein de leur production. Il a toujours les mêmes besoins, il a toujours un besoin de voirie, il faut qu'il ait un gîte dans l'entrée soit sous l'eau. Les barrages servent aussi à faire qu'il y ait assez d'eau pour que l'entrée soit sous l'eau. Mais il peut réaliser des conditions habitables dans des conditions extrêmement différentes des endroits les plus au sud de l'Europe, au nord de la Scandinavie, dans des plaines, comme maintenant il est en montagne. Dans la Drôme, il a dépassé 1100, 1200. J'ai vu par exemple des barrages, même sur des torrents. Une fois, j'ai trouvé dans des gorges entre falaises, il y avait une hutte. Elle était adossée à un éperon rocheux, elle a tenu plusieurs années. Mais il fait une hutte quand il ne peut pas faire de terrier. Il y a eu des cas où, un peu spéciaux, par exemple, la castor, il a fait l'équivalent d'une hutte. Un immense roncier, il a creusé une chambre au milieu, où était déjà fait. On connaît même un cas où il s'était installé dans le rez-de-chaussée, dans un ancien moulin à eau. J'ai habité juste à l'étage, j'ai regardé par la trappe. Tranquillement, voilà. On a même vu dans le sud Ardèche des castors dans des grottes. Donc des images et des liens sur notre site internet francebleu.fr à la rubrique Grandeur Nature en Drôme Ardèche. Et puis sur Facebook, il y a aussi une publication, une vidéo avec des photos pour voir de mignons petits castors drômois. On les voit donc là. Ardèche. Oui, monsieur. D'accord. Et les castors dans les grottes, ils ne sont pas dessinés sur les murs. Non, c'est des vrais castors. D'accord. Très bien. Merci en tout cas. C'était très instructif. La vie du castor dans Grandeur Nature. Vous retrouvez effectivement tout cela sur francebleu.fr et sur notre page Facebook. Merci encore. Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, au petit matin, un réveil souriant pour vous servir et vous informer. Bonjour, Robin Bernot. Chaque matin, on vous raconte toute l'actualité en direct de nos régions. À 5h et 5h30, les journaux de Soisy-Bourg. À 5h15, on fait le tour des unes de nos quotidiens régionaux. Et à 5h45, c'est l'info des Lève-Tôt, un sujet d'actu sur lequel nous aurons afin de mieux comprendre. Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, du lundi au vendredi, dès 5h. Et ça passe entre les pairs. Avec France Bleu Drôme Ardèche, suivez les matchs du Valence Roman Drôme Rugby. VRDR. Après avoir fait sombrer les Normands de Rouen au stade Pompidou, les Damiers, quatrième du classement de Pro D2, se rendent chez le cinquième, Mont-de-Marsan, qui est dans une dynamique de victoire. Ce jeudi, 19h30, en intégralité sur France Bleu Drôme Ardèche et francebleu.fr. Celles et ceux qui font l'actualité en Drôme et en Ardèche sont dans le 16-18 France Bleu Drôme Ardèche. Je partirai au chi sur France Bleu Drôme Ardèche. Le grand croc. Croc. Sur France Bleu Drôme Ardèche. J'ai un beau cadeau à vous offrir grâce au grand croc. Si vous le trouvez dans un instant, vous emportez la veste France Bleu Drôme Ardèche sans manches, veste matelassée, idéale pour les petits matins un petit peu frais ou bien les débuts de soirée. Actuellement, voilà, la veste matelassée France Bleu Drôme Ardèche est à emporter. Si vous trouvez le grand croc, le principe, il est tout simple. Dans un instant, on va jouer avec des spécialités gourmandes de la Drôme Ardèche. On n'en manque pas dans nos deux départements. On fait deux propositions, hein, c'est tout simple. Et si vous trouvez où se cache le grand croc, vous emportez le cadeau. Alors le grand croc, il peut être dans l'une, dans l'autre, il peut être dans les deux, hein, si vous avez de la chance, ou bien il peut n'être nulle part. Voilà, donc il faut trouver le grand croc. Bonne chance, 04 75 40 10 10, vous appelez Julie qui vous accueille. Tout de suite, vous vous inscrivez, si vous êtes sélectionné, on joue ensemble dans un instant pour le cadeau. Ce sera après Phil Collins, Another Day in Paradise, sur France Bleu Drôme Ardèche. C'est Phil Collins sur France Bleu Drôme Ardèche. On va jouer au grand croc avec Hélène qui nous rejoint depuis Tain-l'Hermitage. Bonjour Hélène. Bonsoir. Tout va bien ou bonsoir, oui, parce que c'est vrai que là, il commence à faire sombre, hein, forcément, oui, avec oui, le temps qu'il fait. Oui, ça se marquit le ciel, là. Bon, bah écoutez, oui, il devrait pleuvoir quand même, hein, a priori, c'est prévu. Bon, Hélène, on va essayer, justement, parce que le temps est en train de changer en ce moment, on entre quand même enfin dans l'automne, on va essayer de vous faire emporter une veste matelassée France Bleu de Romardèche, sans manches, hein, ah, ça serait oui, sympa. Hein. Ah bah oui, vous serez très bien avec ça. Alors, pour cela, il faut trouver le grand croque. Écoutez donc deux propositions culinaires. Cousina. Le cousina. Vous connaissez ? Pas du tout. Pas du tout, formidable. Bah c'est un plat à base de châtaigne, donc c'est ardéchois. Ah, hein, voilà. Donc le cousina fait à base de châtaigne. Et face au cousina. Foujou. Le foujou. Pas du tout à base de châtaigne, à base de fromage, hein, le foujou. Oui. Le cousina ou le foujou ? Allez, le foujou, alors. Allez, le foujou, soyons fous. Bah oui, le foujou, ça va. Si on a une brosse à dents et du dentifrice, ça va, après, on peut oui. manger du foujou. On espère que ça va croquer pour vous. Ça croque. Ah oui. Super. Ah bah oui, super, ça croque, dites donc, ça croque dans le foujou. Hélène, je suis ravi, cette magnifique veste matelassée sans manches, France Bleu d'Ardèche, elle est pour vous. Ah, mais merci beaucoup, merci infiniment. Vous allez pouvoir parader hein, dans les rues de Tain-l'Hermitage. Ah, oui. Bon, ben voilà, ça tombe bien. On vous souhaite une belle fin d'après-midi, Hélène. Merci, je raccroche. Non, on vous repasse Julie qui va tout vous expliquer. Voilà, elle va prendre votre taille, etc., vos dimensions. Okay. À bientôt, merci Hélène. Beaucoup. Au revoir. On poursuit jusqu'aux infos de 17h avec Jane Knight Hates sur France Bleu Drôme-Ardèche. Raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, 'cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't see on the skin. Facing my desire, caught me by surprise. Like two falling on, as the moon is on the rise. Maybe I'm dreaming. What you and sur France Bleu Drôme Ardèche, après les infos de 17h. Notre grand invité aujourd'hui sera Damien Boyer, qui est producteur, réalisateur drômois du documentaire Sacerdoce, qui est sorti aujourd'hui au cinéma, un film autour de la prêtrise et de l'engagement donc des prêtres. Il vient nous parler de cette expérience dans un instant. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Drôme-Ardèche. Belle fin de journée avec nous sur France Bleu Drôme-Ardèche. Il est 17h, Damien Triomphe. Ça y est, l'Ardèche est passée depuis une heure maintenant en vigilance orange, pluie, inondation, et la Drôme le sera officiellement dans une heure, à 18h. On attend des cumuls de pluie assez importants et ça commence à se renforcer entre la Cévenne ardéchoise et l'Ardèche méridionale. Là, en ce moment, nous dit Christian David de chez Météo France. On commence à avoir de bonnes intensités en bordure de ce qui se passe dans les départements de la Lozère et surtout du Gard, où là, il commence à avoir des 50 mm en une heure. Donc c'est les orages avec de fortes pluies en peu de temps. On s'attend à ce qu'elles augmentent également dans le département de l'Ardèche dans un premier temps, cette fin d'après-midi et puis ce soir et la nuit prochaine. Donc des fortes pluies qui se propagent ensuite dans le département de la Drôme avec des intensités et horaires qui peuvent être du même ordre, hein, donc 40 à 50 mm en une heure seulement. Puis alors sur les quantités d'ici demain matin, 70 à 100 mm au sud en 12 heures, voire 150 mm localement. Alors après, ça se décale vers le nord des départements. Ça peut quand même être des quantités du même ordre. Hein. Voilà pour cette vigilance orange pluie inondation qui court chez nous jusqu'à demain matin 6h. Et il y aura un second épisode de forte pluie la nuit d'après, de jeudi à vendredi évidemment. On en reparlera. 24 Français sont morts au Proche-Orient dans le conflit entre Israël et le Hamas. 7 sont encore disparus. Bilan que vient de dresser cet après-midi la Première Ministre, Elisabeth Borne, qui parle également de plusieurs Français probablement retenus en otage à Gaza, sans plus de précision. Ici, la France reste évidemment en alerte urgence attentat. Les aéroports de Lyon, Lille, Toulouse et Nice ont dû être évacués ce matin pour des alertes à la bombe à cause de menaces reçues par e-mail. Un loup a été abattu à Valmaravel la nuit dernière. On est à la limite Drôme-Hautes-Alpes. Il s'agit du 10e loup tué depuis le début de l'année dans le département. Il a été abattu par un agent de l'Office français de la biodiversité alors qu'il était en train d'attaquer le troupeau d'un éleveur. On sait enfin quel sera l'emplacement de la foire du Dauphiné de Romans. Elle reviendra en 2025 sur le site des Glycines en bordure du quartier de la Monnaie, sur un terrain de 6 hectares et demi. On vous a tout mis les infos sur francebleu.fr. La foire va donc officiellement déménager après avoir été organisée pendant près de 60 ans, oui quand même, dans la zone des Allobroges, site fermé en 2021 parce que trop proche d'usine classée Céveso, d'usine classée à risque. Et il n'y aura pas d'édition en revanche l'année prochaine parce que les organisateurs ne veulent pas faire, disent-ils, une foire au rabais en centre-ville. En football, Christophe, on a les tirages du 6e tour de la Coupe de France. Ah. Avec les deux derniers clubs pour représenter la Drôme-Ardèche. Rhône-Vallée, club de Régional 1, qui se déplacera sur la pelouse des Hauts-Lyonnais National 3. Ça veut dire que l'adversaire a un échelon de plus. Et le FCP Ajoie en Régional 3 recevra le Thonon Evian Grand Genève en National 2. C'est-à-dire Régional 3, National 2, 4 échelons de plus. Ça fait pas mal. Autant dire que la tâche va être ardue pour nos petits clubs. Les matchs auront lieu les 28 et 29 octobre. La météo 100% locale avec la grotte Chauvet 2 en Ardèche. Un nouveau spectacle 360 degrés. Une immersion dans 36 000 ans d'art animalier, de la préhistoire au street art. On en parlait de la météo, vigilance orange puis inondation, ça va tomber. Effectivement, des averses en soirée attendues et puis des précipitations continues à partir de minuit. Hein, sur la deuxième partie de nuit, il pleuvra partout. Pour demain, eh bien, risque d'averses toujours présent toute la journée, un petit peu plus rare. Les éclaircies seront bien timides hein, demain. Le maximum de pluie attendu demain dans la journée, ce sera 60 mm au sud de la vallée du Rhône. Pour ce qui est du vent, par contre, il va se renforcer demain le vent du sud et il soufflera fort en fin de journée et dans la nuit de jeudi à vendredi puisqu'on aura des rafales à 95 km/h. Ça va sérieusement décoiffer les maxis demain en pleine, comptez de 22 à 24 degrés. La circulation. Alors à cette heure-ci, alors prudence évidemment, hein, si vous êtes dans un secteur où il pleut notamment, attention aux chaussées glissantes. Pour le reste, sur le réseau autoroutier, A7, A49, pas de difficultés. À l'heure qu'il est, sur l'agglo de Montélimar, ça roule sans trop de soucis. Sur Roman également, on commence à avoir quelques axes un peu encombrés. Sur Valence, la traversée de Tintournon également, je n'ai pas d'accident signalé sur mes écrans. Tant mieux si vous êtes témoin, vous, d'un incident. Vous partagez l'inforoute au 04 75 40 10 10. Jusqu'à 18h, c'est le 16-18 France Bleu Drôme Ardèche. Christophe Bernard. Et dans un instant, on va parler cinéma avec un très beau film documentaire intitulé Sacerdoce qui sort aujourd'hui au cinéma. Il est signé d'une société de production dromoise, Orawa Productions, et du réalisateur Damien Boyer qui sera notre invité dans un instant pour parler de ce documentaire qui nous propose d'aller à la rencontre de 5 prêtres, 5 personnages qui ont accepté de se livrer et d'être suivis dans leur quotidien au jour le jour, dans leur intimité également de prêtres, sacerdoces. On en parle dans un instant avec Damien Boyer, qui sera avec nous après Julien Doré-Lelac. C'est fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimer sur les bords. Sur les sur les Lac, Julien Doré sur France Bleu Drôme Ardèche. Le 16-18, le 16-18, France Bleu Drôme Ardèche. Notre grand invité ce soir sur France Bleu Drôme Ardèche, c'est Damien Boyer, qui est réalisateur d'un très beau documentaire intitulé Sacerdoce, qui sort ce mercredi dans toutes les bonnes salles. Bonsoir Damien. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rendre visite après une petite tournée d'avant-première, hein, bien sûr. Exactement. Parce qu'aujourd'hui c'est la sortie, mais il y a déjà eu pas mal de projections de ce film Sacerdoce. Ça s'est bien passé? Ouais, c'est le grand moment après 3 ans de prod. Vous savez, on est dans les salles de régie, de montage au noir, et là ouais. le grand en public le découvre. Et bien pour l'instant, ça marche plutôt bien. Les salles étaient pleines à chaque fois. On a refusé du monde, donc bon signe. Sacerdoce, on va parler de ce film, bien sûr. Auparavant, juste Damien Boyer, producteur, société Orawa Productions, une société drômoise. Exactement. Voilà, on en est fiers, qui fait uniquement du documentaire. Voilà. En particulier de documentaire, on fait un peu de publicité pour les entreprises à côté, mais les sorties cinéma, forcément, c'est du film documentaire. Voilà, et on se souvient du docu « Et je choisis de vivre », qui était tourné dans notre région, qui a eu du succès aussi. C'était un beau tremplin. Oui, ça nous a beaucoup aidé. En fait, ça nous a donné une vraie crédibilité sur un sujet, et en particulier, enfin, sur un sujet sur la façon de réaliser. Et ça nous a donné, je pense, un petit peu cette expertise des sujets compliqués, des sujets tabous. Et on continue dans cette lancée. Voilà, c'est ça. J'allais dire, avant d'en venir à Sacerdoce, quand même, vous vous êtes fixé une sorte de ligne éditoriale chez Orawa. Oui, exactement. On aime bien les sujets compliqués, sociétaux, et on aime bien les sujets qui nous touchent, c'est-à-dire les sujets qui, quand le spectateur le découvre, peut voir sa vie transformée. Ça, c'est ce qui nous rend le plus dingue, le plus heureux, c'est d'avoir les témoignages, de lire les témoignages, de dire « ma vie a été bouleversée, ça va mieux ». Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce? Évidemment, ce mot renvoie à plein de choses, avant tout quand même à la prêtrise. Bien sûr, c'est le mot, c'est étymologiquement, principalement. Voilà. C'est... Même s'il est utilisé parfois pour d'autres choses. Hein, oui, on dit « oh, c'est un véritable sacerdoce », mais ce n'est pas forcément la véritable étymologie du mot. Et sacerdoce, ça a aussi cette connotation mystérieuse, parce que finalement, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas trop, on sait que c'est lié à la fonction d'un prêtre, de la foi, ou d'un moine. Mais du coup, c'est un petit peu ce qu'on allait chercher dans ce film. Quel est ce mystère qui se cache derrière ces prêtres qu'on pense connaître, qu'on croise, qu'on frôle dans la rue, mais qu'on connaît très très mal? Bon, alors quand même un métier en difficulté, le prêtre aujourd'hui dans notre société, et pas que depuis quelques semaines, mais depuis de nombreuses années, il y en a de moins en moins. Ça a été compliqué d'ailleurs de les rencontrer. Oui, parce que bon, déjà on voulait savoir quel impact ils avaient aujourd'hui en 2023 dans la vie des gens. Donc on a fait quelque chose d'assez marrant, c'est qu'on a utilisé les réseaux sociaux sur Facebook. Si on vous dit prêtre, vous pensez à quoi? Et on a été très surpris du nombre de réponses, c'est-à-dire 400 réponses de personnes qui ont dit « moi j'ai tel prêtre qui a changé ma vie, tel prêtre qui a sauvé notre couple, tel prêtre qui était là pendant le deuil de notre famille ». Et on s'est dit « ah ouais ». En fait, ils sont pas très visibles, mais ils ont un impact assez puissant. Vous avez voulu prendre des prêtres quand même relativement jeunes. Mais étonnamment, il y a des... Bon, ils sont peu, mais il y a des nouvelles générations de prêtres qui se lèvent. Quand même, ouais. Voilà, aujourd'hui. Et qui sont un petit peu différents des prêtres de l'époque où c'était, je crois, le second de la famille qui était prêtre. D'accord. Là, on a des prêtres qui ont étudié, qui sont ingénieurs, qui sont beaux gosses, qui parlent bien, qui ont une carrière toute écrite pour réussir et travailler chez Google ou une autre grande boîte connue. Mais ils ont décidé d'intégrer l'Église catholique avec toute cette image négative de l'histoire et des affaires de pédocriminalité. C'est très étonnant. Pourquoi ces hommes-là ont-ils choisi de s'impliquer? Ils font même un vœu d'obéissance. En 2023, dans le pays de la liberté, c'est très déconcertant. Pourquoi? Qu'est-ce qui les attire autant? Qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux pour qu'ils lâchent tout et deviennent prêtres? Alors, on sent que vous vous êtes posé plein de questions, effectivement, avant d'aller les voir. Et effectivement, vous n'avez pas du tout voulu mettre au second plan les problèmes de pédocriminalité qui sont apparus récemment. On pourrait dire, ah oui, ça va être du sensationnalisme. Non, au contraire, vous les abordez alors directement, dès l'entrée du film. Hein, voilà. Petit extrait, on est tout de suite dans l'ambiance. Il y a beaucoup de personnes qui ne pardonnent pas à l'Église un certain nombre de choses qui constituent son histoire. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de l'Inquisition, on parle souvent de la colonisation Je pense à tous les scandales liés à la pédocriminalité, des intimidations, des abus de pouvoir et d'autorité, que sais-je. Ça, c'est vraiment, je dirais, le coup de grâce. C'est le coup final de la décrédibilisation de l'Église. Je me prépare peut-être à manger mon pain noir pendant mes années sur Terre, comme prêtre, à ne pas être cru, à ne pas être crédible, à ne pas susciter la confiance, mais plutôt la défiance de ceux à qui je m'adresse. Là, ça, c'est le père Paul. Bon, ce sont les premières minutes du film. Hein. Ouais. C'était important de commencer par ce témoignage. Je trouve, parce que quand on pense aux prêtres aujourd'hui, qu'on n'est pas des initiés de la foi chrétienne ou de l'Église, malheureusement, ou en tout cas, on pense à quelque chose de négatif. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on aime les prêtres aujourd'hui. En revanche, on se rend compte qu'on aime les prêtres en particulier, quand on en connaît un. Et du coup, ça me paraît très important de rejoindre les gens là où ils sont, les spectateurs, c'est-à-dire, ok, l'image, elle est négative, elle est dure, elle est vraie aussi, c'est terrible ce qui s'est passé, c'est inacceptable, et de le partir comme un prérequis, dire, on va rien éviter, on va parler de tout. Et c'est l'invitation qu'on a fait aux prêtres. On leur a dit, est-ce que vous êtes capable et d'accord de jouer le jeu du confessionnal inversé? La seule différence, c'est que, donc vous allez tout nous dire, mais la seule différence, c'est que vous ne serez pas dans une petite boîte noire au fond de l'église, mais au grand public. Tout le monde veut le savoir. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord de parler des choses dures, mais aussi de vos fragilités, de vos victoires, de ce qui vous rend heureux, qui vous pétrit de joie, qui vous passionne autant? On veut tout savoir. Et ils ont accepté. En tout cas, les cinq prêtres, vos cinq personnages de ce documentaire, Sacerdoce, ça sort aujourd'hui sur les grands écrans. Précipitez-vous, en Drôme, en Ardèche et ailleurs. D'ailleurs, c'est un film signé Damien Boyer, qui est notre grand invité en cette fin d'après-midi sur France Bleu Drôme Ardèche. HK est un peu portugais, un peu kabyle, un peu italien, beaucoup ch'timi et surtout artiste revendicatif dans la bonne humeur. Avec son tube « Danser encore », il a fait bouger la France entière. HK mêle les grands standards à ses propres textes sur des rythmes joyeux et dansants. HK sur scène, vendredi 3 novembre à Saint-Vallier. Une sélection côté culture France Bleu Drôme Ardèche. Ça va, Emma? T'as l'air ailleurs? Entre la rentrée et les activités des enfants, je me demande comment les protéger et gérer mon budget. Va au Crédit Agricole. En ce moment, il y a 3 mois de cotisation offerte pour l'adhésion de 2 contrats d'assurance. Jusqu'au 3 décembre, bénéficiez de 3 mois remboursés pour l'adhésion simultanée d'au moins 2 contrats parmi la complémentaire santé, les accidents de la vie, la protection juridique ou l'assurance tout mobile. Les contrats Pacifica sont distribués par votre caisse régionale du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, immatriculée à l'ORIAS en qualité de courtier. Conditions sur notre site internet. Venez célébrer les 10 ans du fascinant week-end en Auvergne-Rhône-Alpes du 19 au 22 octobre. Profitez de 200 activités sportives insolites, festives et gastronomiques proposées par 12 destinations viticoles. Entre vignes et coteaux, paysages et villages emblématiques, découvrez la richesse de nos vignobles du Beaujolais à la vallée du Rhône en passant par le Forez rouennais, les vignobles d'Auvergne, le Bugey et la Savoie. Programme complet sur fascinant-weekend.fr. Info, culture, belles histoires et musique, c'est le 16-18 France Bleu Drôme Ardèche. By the hill, do the next thing that you feel. We were so in vice, in a dance all days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, share. What was true, I said. Dance all days long. Take your baby by the hair and pull her close and there. And take your baby by the ears De Wang Chung, Dance All Days sur France Bleu Drôme Ardèche. 16h-19h sur France Bleu Drôme Ardèche. Christophe Bernard. C'est Damien Boyer qui est notre invité en cette fin d'après-midi sur France Bleu Drôme Ardèche, réalisateur d'un documentaire intitulé Sacerdoce qui sort aujourd'hui sur grand écran, heureusement dans quelques salles de la région. Vous allez sur votre moteur de recherche et vous allez forcément trouver une salle pas trop loin de chez vous pour voir ce film avec cinq personnages, hein, Damien Boyer, cinq prêtres qui ont accepté de se livrer, vous nous le disiez il y a quelques instants, oui véritablement de se livrer devant la caméra. Avec l'accord de leur hiérarchie, ou bien aujourd'hui, ils peuvent être libres de leurs paroles ? Alors, je crois que la plupart n'ont pas demandé. Ils sont plutôt libres. Étonnamment, contrairement à ce que je pensais, cette hiérarchie-là est plus ou moins respectée. Ils aiment bien me dire, quand je leur demande, je leur ai posé la même question, est-ce que vous avez l'accord, qu'on n'ait pas de problème de droit derrière ? Et ils me disent, en fait, pourquoi on fait un vœu d'obéissance, c'est qu'on en a vraiment besoin. Donc apparemment, ben c'est ce que m'a intéressé, ce côté intrapreneur finalement des prêtres. On voit dans leur profil hein, ce qu'ils vont réaliser, c'est un peu spécial. Comment vous les avez choisis alors ces cinq personnages ? Alors on a voulu quand même, c'est un film donc on a envie d'être surpris, d'être étonné. On a choisi ces personnages de façon très contrastée pour que ça parle à un maximum de personnes. Donc il y a un premier prêtre, lui, qui est un prêtre vagabond. Il a une petite caravane et il sillonne sur les routes de l'Ariège, rencontrer des gens dans la rue, ouvrir des églises fermées. En tout cas, c'est un bon prétexte pour parler de la foi. Et on se rend compte qu'avec sa petite caravane et son col romain, eh bien, les gens se livrent. Et il va voir les jeunes, il fait du skateboard aussi. Hein. Ah oui, c'est un skater aussi, il a sa communauté. Oui. On a rencontré aussi le père Paul Bénézit, qui est un sportif. On va le suivre sur sa préparation pour la course du cyclisme du clergé. Ouais, le championnat de France du clergé, qui d'ailleurs se déroulait en Ardèche. Exactement, voilà. Exactement. Ça donne des belles images. Exactement. C'est un prêtre de campagne. Vraiment comme on l'imagine. Donc Camille, avec son style à lui et sa proximité. Après, on a également un prêtre qui est en montagne, qui est un prêtre de Rhône-Alpes. Lui, il emmène les jeunes par l'effort de la montagne, par l'émerveillement. Eh bien, il les fait parler dans la yourte, dans l'intimité le soir, au coin du feu du bois, autour d'une fendue. Et puis, les jeunes se livrent sur des sujets comme la pornographie, sur la lune affective. Et c'est incroyable de voir la finesse qu'il a comme un grand frère. il les accompagne. Et puis, il y a vraiment des bouleversements dans les vies. Et c'est des centaines de jeunes qui l'amènent à l'année comme ça. Et puis, un dernier prêtre qui est, lui, un vieux prêtre parisien, plein de sagesse. Étonnamment, lui, là, pour un célibataire, il a accompagné des milliers de couples. Et voilà, il aime parler en général de la prêtrise, un peu le conseil qu'il donne aux jeunes prêtres. Et il y a aussi le père Mathieu qui est à Manille. Exactement. Alors là, c'est un prêtre. Alors un prêtre missionnaire. Oui, missionnaire, mais alors pas du tout conçu pour ça à la base. C'est un bon Versaillais d'une famille bourgeoise à qui on va faire lancer le défi. Dire toi, tu seras jamais capable de sortir de ta petite paroisse, bourgeoise, versaillaise. Tu seras jamais capable de partir en mission. Et tac, il est piqué au vif et il décide de partir à Manille. Et ça fait 15 ans qu'il est parmi les enfants de la rue maintenant, les sortir, essayer de les aider. C'est magnifique. Voilà, vous l'avez suivi, vous les avez tous suivis un certain temps. Vous avez passé, il faut passer du temps avec eux. Ah oui, parce que là, on n'avait pas écrit à l'avance, on avait des thématiques, comme celui du célibat ou leur relation à Dieu, comment ils développent ça. Et par contre, le film s'écrit au fur et à mesure avec eux. Donc on les a rejoints à peu près deux fois ou trois fois chacun, à des moments de leur vie différents, étalés sur 3 ans. Qu'est-ce que ça leur a apporté à chacun? Ils vous l'ont dit, le fait de passer devant la caméra, peut-être parfois de l'oublier, mais voilà, qu'est-ce que ça leur a apporté à eux? On parle souvent de tournage thérapeutique, finalement. Oui, des fois. On fait parler. Je pense que ça a ouvert la parole. Alors, en fait, on s'est rendu compte que quand j'ai posé les premières questions, c'était assez surprenant pour eux, parce qu'on parle rarement à un prêtre d'égal à égal. Moi, j'ai fait ce film entre mecs, on est entre nous. Je suis pas catholique, donc je me suis permis de poser toutes les questions. Et ils étaient très heureux de ça, parce que ils souffrent beaucoup de solitude du fait qu'on les mette sur un piédestal, des demi-dieux, alors qu'ils sont censés être des serviteurs. Pour les hommes, pour Dieu, voilà, mais une vie au service. Et donc, ils étaient très heureux de pouvoir exprimer leur humanité aussi. Ils parlent énormément de leur foi, de ce qu'ils aiment chez la personne de Dieu, de Jésus. Ils parlent de ça avec passion, mais qu'on les reconnaisse comment ils sont avec leur fragilité. Du coup, ce qu'ils pouvaient dire dans un cercle très très restreint, qui pouvait peut-être ne pas même être entendu par les croyants, c'est public aujourd'hui. Il y a un prêtre qui s'est levé lors d'une avant-première, il a dit « Écoutez, moi j'ai jamais eu d'intimité aussi profonde avec un de mes frères. » Donc merci pour ce film. Et quand ils ont vu le film, alors pour le coup ils étaient là donc lors d'une avant-première, ils l'avaient pas vu avant. Non, j'imagine. Non. Alors certains l'avaient vu un petit peu avant, ouais. Mais pas tous. Et la découverte pour eux, ça a été aussi un petit peu magique. Oui, je pense que c'est toujours étrange de voir sa vie un petit peu résumée ou par un axe, bien sûr, c'est biaisé parce que on peut pas tout dire. Mais je pense qu'ils ont vraiment aimé ça et autant ils ont la foi dans le message qu'ils portent du gospel, de la bonne nouvelle qui est réconciliée, autant je pense à renforcer cette mission qu'ils ont, c'est-à-dire mais bien sûr qu'il y a des gens de partout qui ont besoin d'entendre parler de ce que nous on a découvert. Ça s'appelle Sacerdoce et ça sort aujourd'hui sur grand écran. C'est au cinéma, mais oui, ce film signé Damien Boyer, à voir au cinéma sur grand écran parce qu'il y a aussi de très belles images, il faut bien le dire. Damien Boyer va rester encore un petit peu avec nous sur France Bleu Drôme Ardèche. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro, où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, prise au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans drague, où t'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? C'est fou, mais partout je passe, je peux encore te suivre à la trace. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, je ressens ton reflet dans la glace. J'ai encore tes graines dans mes placards, tes laines dans mes armoires, tes crèmes dans mes tiroirs, tes scènes dans ma mémoire. et tes peines dans mes cauchemars. Les jours ont filé en moins de deux. La flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas moi. C'est mort, est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux, mieux comme ça? Stéphane et Petit Cas, mieux comme ça sur France Bleu de Rome Ardèche. Dans un instant, on retrouve Damien Boyer, réalisateur du documentaire Sacerdoce, qui sort aujourd'hui au cinéma. Damien Boyer, réalisateur drômois, qui est notre grand invité. Théâtre, télé, humour, toute la culture est chaque soir sur France Bleu. Et bonjour, David Lantin. Mon invitée ce soir est comédienne, animatrice, scénariste et réalisatrice. Ancienne figure de Canal+, c'est l'humoriste que je recevrai ce soir. Elle vient nous présenter son premier spectacle mis en scène par un certain Alex Lutz. C'est Anne de Pétrigny qui sera avec nous dès 20h30 sur France Bleu. La scène culture sur France Bleu, chaque soir, dès 20h30. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, attends, t'es prêt là? Tada! Waouh, sympa la déco, mais on est où? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait le plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. L'infotrafic 100% local avec le département de l'Ardèche qui accompagne les collégiens ardéchois pour les aider à trouver leur stage de 3e en entreprise. Plus d'infos sur ardèche.fr. Allez, à 17h30, vos conditions de circulation. Attention aux pluies, aux averses attendues en cette fin de journée et notamment sur le sud de l'Ardèche. Actuellement, pas de difficultés majeures à vous signaler en ce qui concerne la circulation. Alors, sur les grands axes autoroutiers A7 et A49, pas de problème. Sur l'agglo de Valence, c'est quand même assez chargé, hein, notamment sur le sud de la ville de Valence. Ça commence à être un peu chargé aussi sur Montélimar ou Romans. Notamment Romans sur le contournement, la traversée de Livron sur la Nationale 7, également du monde sur le Pouzin, donc départementale 86, et la traversée de Tournon également sur la 86. Vous partagez l'inforoute, au moindre souci, vous pouvez évidemment nous tenir au courant, 04 75 40 10 10. Celles et ceux qui font l'actualité en Drôme et en Ardèche sont dans le 16-18 France Bleu Drôme Ardèche. Sacerdoce, c'est un très beau documentaire que nous présente Damien Boyer, qui est notre invité, notre grand invité en cette fin d'après-midi sur France Bleu de Rome Ardèche. Le prêtre, ça choque. Sa vie choque, parce que sa vie n'est pas ordinaire. Pourquoi est-ce qu'il est célibataire? Pourquoi est-ce qu'il vit cette vie-là? Les gars, vous avez sûrement remarqué qu'on veut faire le bien, et qu'on n'y arrive pas, et qu'on veut pas faire le mal, mais qu'on le fait quand même. Dans la vie, il y a du combat. Pourquoi est-ce que je ne donnerais ma place pour rien au monde alors que c'est très dur? C'est justement parce que cet engagement, il donne tout le sens de ma vie. Je m'en fous de la religion. Ma religion, c'est quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le Christ. Amen. Sacerdoce, un petit extrait de la bande-annonce de ce documentaire sur grand écran dès aujourd'hui, dès ce mercredi. Damien Boyer, on parlait donc de l'engagement de ces prêtres, ces cinq prêtres que vous avez choisis, ces cinq personnages. Vous les avez choisis avant tout en tant qu'hommes, hein, pour savoir pourquoi ils avaient choisi ce sacerdoce. Finalement, on se dit, est-ce que certains ne pourraient pas faire la même chose sans être prêtre? Qu'est-ce qu'ils apportent de plus, eux, du fait qu'ils soient prêtres? Alors, ça va être dur de répondre à leur place, surtout que ce n'est pas un film qui est fait pour promouvoir l'Église catholique, mais d'être sincère dans les témoignages. Ce que je pourrais répondre, peut-être, c'est cette inspiration qu'ils ont. En fait, même pendant le tournage, ils disparaissaient pour faire des messes. Souvent, c'est des messes qui sont tout seuls. Il y a bien des endroits, enfin, l'église sont vides, où on est en déplacement, mais ils vont célébrer la messe seuls. Et ils me disent qu'ils ont besoin, comme le faisait Jésus, d'aller se décentrer, d'aller prendre du recul, aller voir leur père, d'aller se nourrir. Et je me demande, mais c'est une vraie question, je réponds après une autre question, pour tenir dans le temps, sur la durée, pour ne pas être aigri par les échecs, d'avoir livré sa vie, d'avoir donné sa vie, et des fois d'être tellement déçu. Peut-être que c'est cette inspiration divine qui les aide particulièrement. Après, c'est vraiment difficile de répondre à cette question parce que vous avez raison, c'est intriguant et c'est un mystère. Et c'est ce mystère de la foi, même pourquoi croire? Parce qu'on peut se dire que ça met beaucoup de conditions compliquées. La vie d'un prêtre, c'est compliqué. C'est ça, c'est que devenir prêtre, c'est aussi accepter, par exemple, le célibat. On le sait, d'ailleurs, il en est question dans le documentaire. Donc, c'est pas la moindre des difficultés, ils le disent. C'est vrai que certains prêtres disent être mariés à l'église. Personnellement, ça me parle pas beaucoup. Je pense pas que ça parle au grand public. Mais là, ils vont un peu plus loin. Ils parlent d'une disponibilité pour les autres. D'ailleurs, c'est marrant, les prêtres ont un très très grand respect pour les papas et les mamans. Pour eux, ça, c'est un grand ministère. Ministère, ça veut dire service. Après, ils le voient comme vraiment être une autre façon d'être au monde, ils disent. Donc, être en famille ou être célibataire, tant que c'est un choix, ça peut être fécond. Et c'est vrai que moi je l'ai vu pendant le tournage, ils sont hyper disponibles pour tout le monde. La nuit, le jour, ça n'arrête jamais, ils sont là. Alors étonnamment, je croyais que c'était vraiment une très grande souffrance. Alors ils en parlent, oui, ça peut être une souffrance. Ça peut être, oui. Mais comme ils disent, ils aiment bien rappeler que la vraie souffrance, c'est le célibat qui n'est pas choisi. Les veuves, les célibataires qui se retrouvent voilà, séparés. Et j'avoue, c'était une vraie découverte pour moi pendant le tournage de voir que cette souffrance n'est pas non plus au centre. Rencontrer ces prêtres, alors c'était l'objet du documentaire, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on en retire après, quand le projet est terminé, quand le film est monté? Il en reste quand même quelque chose. Forcément, on a vécu plein de choses avec ces cinq personnages-là. Oui. On se pose des questions encore plus. Ouais, on se pose des questions encore plus. Oui, c'est vrai. On se pose des questions de la mission. Finalement, est-ce qu'on n'aurait pas tous une mission? Est-ce qu'on n'est pas tous appelés à vivre quelque chose de particulier? Finalement, on montre des prêtres très ordinaires, qui accomplissent des choses extraordinaires. Moi, je suis persuadé qu'on est tous appelés à vivre des choses extraordinaires dans notre vie ordinaire. C'est un film qui parle finalement de la quête de sens, qui nous pose cette question de qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Qu'est-ce que je suis prêt à donner pour aimer plus autour de moi? On le voit par leur célibat, ou dans l'obéissance, ou voilà, même être prêtre déjà de fait avec l'image pas terrible que ça représente. Les gars s'engagent quand même. Donc c'est un film qui parle d'un vrai engagement. J'ai une maman qui m'a dit, en fait, ce film, il me parle moi en tant que maman. Parce que en tant que maman, on donne tout, physiquement, dès la naissance. Toute notre vie, on donne tout pour nos enfants. On est prêt à mourir pour eux. Et c'est un film qui parle voilà de cette force de se donner. Je crois que c'est comme le mot catholique, hein, le mot catholique qui fait souvent peur, il est cliché, mais en fait il est très beau, il veut dire universel. Et je crois qu'il y a un message universel de se dire, on est peut-être tous en mission sans le savoir, on se laisse croire qu'on a notre petite place et c'est réduit, mais je pense qu'on est appelé à faire quelque chose de grandiose. Je fréquente aussi des personnes en fin de vie, des personnes qui sont dans le deuil, et j'aime beaucoup poser des questions à ces gens-là parce qu'ils sont souvent dans la vérité. Et souvent, les personnes âgées qui sont en fin de vie nous disent « je regrette de ne pas avoir osé, j'aurais pu faire plus pour les autres ». Et on se rend compte que se décentrer, regarder plus les autres, c'est ce qui nous transforme le plus profondément et qui nous rend heureux. Et je rebondis à votre question de tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut changer la foi? En y pensant, je vois chez ces hommes une sorte de paix intérieure qui dépasse les événements. Bon, en tout cas, c'est un documentaire qui pose plein de questions et qui fait réfléchir, c'est déjà ça. Sacerdoce sur les grands écrans partout en France, ça sort aujourd'hui, Sacerdoce, un film de Damien Boyer qui est notre grand invité aujourd'hui sur France Bleu, Drôme Ardèche. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me, sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance? Of the race, the reason we chase is lost in romance. And still we try to justify the waste for a taste of man's greatest adventure. Ooh, I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame Satellite, Tasmin Archer sur France Bleu Drôme Ardèche. Le 16-18. France Bleu Drôme Ardèche. Christophe Bernard. Damien Boyer, notre grand invité en cette fin d'après-midi, réalisateur, producteur de documentaires dans la Drôme. Et aujourd'hui sort un très beau documentaire intitulé Sacerdoce au cinéma. Allez le voir, bien sûr. D'abord parce que c'est un film drômois. Et puis parce que vous allez vous poser plein de questions finalement à l'issue de la projection. On en parle depuis tout à l'heure avec Damien Boyer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la prêtrise aujourd'hui, sur l'engagement qu'ils ont. Vous avez pris 5 personnages, 5 prêtres que vous nous faites découvrir avec des témoignages poignants. Il y a un moment difficile dans le documentaire, j'ai trouvé, c'est une dame face à je ne sais plus quel prêtre qui lui dit voilà, moi j'ai été victime d'abus sexuels par un prêtre quand j'étais jeune et elle lui dit ça fait 50 ans que ça me travaille ces 50 années gâchées par ça, et il est vraiment en face, quel était le but de cette rencontre? En fait, ce prêtre-là, on le voit au début du film, il nous parle de manger du pain noir, parce que l'image est tellement sale de l'Église aujourd'hui avec ses abus. Donc j'ai dit, quitte à manger du pain noir, j'ai envie de te faire rencontrer quelqu'un qui a vraiment souffert et qui souffre encore 50 ans après d'abus, pour voir comment toi, jeune prêtre, tu vas accompagner ce genre de personne, parce que ça fait partie du sacerdoce. Donc on s'est mis dans une maison neutre. En fait, ça a duré 3 heures, cette discussion, où cette femme a expliqué les conséquences terribles jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a du mal à aimer son mari, à avoir une vraie sexualité, elle a du mal à prendre ses enfants dans les bras 50 ans après et ses petits-enfants. Et le pire, c'est qu'elle a du mal même à croire encore en Dieu et à développer cette relation intime. Et donc, je voulais comprendre et voir en vrai si les prêtres continuent, comme dans le passé, à mettre sous le tapis les problèmes, les cacher, ou si aujourd'hui c'était différent. Voilà, un beau témoignage en tout cas, voilà, qui est l'un des moments forts aussi de ce documentaire, même si il n'est évidemment pas axé que là-dessus. On l'a dit depuis tout à l'heure, il y a plein d'autres choses. Il y a les joies aussi de ces prêtres, de ce qu'ils arrivent à faire, les montagnes qu'ils arrivent à déplacer. Il fallait le montrer, ça aussi. Oui, c'est vrai, c'est une expression biblique. Et c'est vrai que on le voit avec les enfants, les jeunes ados. C'est hyper dur d'être ado en 2023. Hyper agressé par les réseaux sociaux, par la pornographie. C'est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut imaginer, en fait, la pornographie. La destruction sur la vie affective, sur des mauvaises constructions. Et ils abordent ces sujets, mais de façon très naturelle. C'est pareil, on voit le prêtre de Manille quand il est devant ses enfants, victime d'abus dans les rues. Et en même temps, on voit cette beauté qui éclate de leurs yeux, des enfants qui pétillent. En fait, la vie gagnera toujours et l'amour gagnera toujours. Et c'est ce qu'il nous dit. Il dit, je peux même pas rentrer dans une paroisse en France quand je suis devant ces enfants. En fait, il dit, je vois le Christ, je vois la beauté, je vois la perfection et je peux pas partir. C'est ma récompense. Voilà, une vocation en crise, pourtant, la prêtrise, mais le sacerdoce est là, vous nous le montrez dans toute sa diversité dans ce film. Un projet qui est né grâce à des donateurs, il faut bien le dire, il y a des gens qui, en amont, se sont engagés pour vous donner des fonds, pour aller au bout. Oui, on les remercie parce que ça aurait été très compliqué. C'est toujours compliqué. Ah oui, en fait, moi j'aborde des sujets toujours un peu sur le côté, un peu tabou. Voilà. Et là, c'est difficile d'aller chercher des fonds aujourd'hui. Pour ce genre de documentaire. Oui. En fait, en France, on est bloqué. On a très mal compris la laïcité. Dès qu'on parle de foi chrétienne, ça bloque. Parce qu'on pense qu'on va être prosélyte, tout ça. Et les prêtres, finalement, c'est pas les prêtres qui nous intéressent. C'est ce qu'ils représentent. C'est cette spiritualité. C'est la force, le courage d'aller contre les courants. On a quand même l'impression d'aller tous dans le même sens. On aime les mêmes musiques, la même pop partout. C'est un peu dommage. On a besoin de diversité. On a besoin de se poser des questions profondes. Ils nous invitent à ça, sans le savoir, parce que c'est moi qui suis allé, c'est pas eux qui nous ont prêché. Mais je les fais venir dans l'intimité de leur, non pas de leur église, parce que j'ai voulu les voir hors de l'église, hors des murs. J'ai voulu voir à quoi ça ressemble une vie chrétienne, une vie de foi à l'extérieur. Et donc voilà, c'est toutes ces questions. En fait, c'est un film qui donne pas de réponse, mais un film qui pose beaucoup de questions. Ça fait du bien, parfois. Il faut se poser des questions. Bravo aux donateurs qui vous ont accompagné. C'est le cas un petit peu tout le temps maintenant quand on veut faire des documentaires. Là, je sais pas si vous êtes sur un nouveau projet déjà. Oui. Comme on aime c'est bien. Toujours difficile. Oui, et c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Il faut se battre. Ouais, ça fait partie de la souffrance. La frustration. La frustration de la frustration naît la passion, donc ouais. Ça me va très bien. Mais et on en profite pour remercier ces 950 donateurs. Ah oui. Parce que c'est vrai que sur le papier, ce genre de projet, c'est compliqué. On arrive mal à le comprendre. Et quand on voit les images, on dit oui, il le faut ce genre de projet. Donc merci à tous ceux qui ont participé. Là, il sort aujourd'hui au cinéma. Il y a des chances qu'on puisse le voir aussi, enfin qu'il ait une autre vie à la télé ensuite, etc., en DVD. Oui, ben on c'est le but quand même. Ouais, j'aime bien faire des films qui soient assez intemporels, pas que sur l'actualité, et on l'espère que ça va inspirer voilà toutes sortes de personnes. De ça paraît être un sujet de niche sur les prêtres, sur la, mais c'est un sujet très large, grand public sur l'engagement en général. Sacerdoce sur les grands écrans, donc à partir d'aujourd'hui, ne le manquez pas. Produit par Orawa Productions, société drômoise. On a le droit de connaître le prochain thème du futur documentaire. Allez, vous êtes sur quoi, on est Damien intimité, on est sur des personnes qui ont mis leur vie au service des enfants. D'accord. Dans le monde, dans l'humanitaire. Voilà. Voilà, ce sera encore, j'en suis sûr, une belle réalisation. On espère. Et des belles rencontres. En tout cas, vous avez de la chance de faire ce type de projet. Merci Damien Boyer. Avec plaisir, merci à bientôt l'accueil. Donc pour ce futur documentaire. Ouais. Et on espère que Sacerdoce va bien marcher au cinéma. Allez le voir à partir d'aujourd'hui. France Bleu Drôme-Ardèche. La sélection côté culture. Vendredi 20, Fabrice Drouel métamorphose son émission radio Affaires Sensibles en un seul en scène au Quinconce de Vals-les-Bains. Dimanche 22, Mike Dinca le Dromois et Riquet le Grenoblois présentent Souvenirs de Saltimbanque au théâtre de Tournon. Les deux voix du groupe Sinsemilia racontent en chanson tout le bonheur du monde et 30 ans d'amitié et de musique. Retrouvez les artistes à 8h15 dans Côté culture sur France Bleu Drôme-Ardèche. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. Celles et ceux qui font l'actualité en Drôme et en Ardèche sont dans le 16-18. France Bleu Drôme Ardèche. Bonnes idées de sortie, belles initiatives, c'est tous les matins dans le 6-9 avec Philippe Costa à 7h-10. C'est aussi dans quelques minutes après Michael Jackson. On parlera d'Octobre Rose avec notamment une soirée conférence autour de la recherche médicale et des progrès. Ce sera la MJC de Tain-l'Hermitage, c'est demain. On y revient dans un instant après Billie Jean. Go dance on the floor in the round, babe. Michael Jackson, Billie Jean, sur France Bleu, Drôme Ardèche, l'actu dans notre région, eh bien c'est avec Octobre Rose, l'événement symbolisé par le ruban rose qui met l'accent sur le dépistage organisé avec beaucoup d'événements, dont cette soirée conférence autour de la recherche médicale et des progrès en cours. On en parle, cette conférence, ce sera ce jeudi à la MJC de Tain-l'Hermitage, demain donc à 18h30. L'un des conférenciers était avec Philippe Costa ce matin à 7h10. Xavier Coumoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes Xavier, enseignant, chercheur à l'Université de Paris-Cité, directeur également de l'équipe de l'INSERM. Notre environnement a un effet sur le déclenchement, l'évolution de ce cancer? Alors l'environnement propice à son déclenchement et en fait à sa progression. C'est-à-dire que je vais parler à la fois des produits chimiques qui peuvent conduire à l'apparition du cancer du sein, mais nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'évolution du cancer du sein vers des formes plus agressives et le rôle de la pollution dans tout ça. On a beaucoup de cancers du sein, on est d'accord? C'est combien de femmes sur 8? Combien de femmes? C'est une femme sur 8 à l'âge de 60 ans à peu près. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de personnes. C'est évidemment un des cancers les plus répandus dans le monde. Ça dépend des régions du monde. Donc il y a des facteurs génétiques. Mais 5% seulement des cancers du sein sont génétiques et 95% d'entre eux sont liés au vieillissement, mais aussi potentiellement à l'environnement. Alors quand on dit environnement, c'est-à-dire c'est notre mode de vie ou alors des choses que malheureusement on ne maîtrise pas? Alors les deux, c'est-à-dire que typiquement, on sait que les horaires, par exemple, le fait d'alterner en termes de travail, période de travail, par exemple, pendant la nuit, le non-respect au final d'un mode de vie qui serait de travailler, de vivre en pleine lumière et puis de dormir la nuit, ce non-respect-là, ça peut engendrer des cancers du sein. Donc on sait ça, par exemple, lorsqu'on étudie des cohortes de personnes qui travaillent à l'hôpital, mais pas seulement. Donc le mode de vie, ça peut influencer. Le fait de ne pas avoir une forte activité physique, d'être très sédentaire, ça peut augmenter le risque de cancer du sein, mais on sait aussi que la pollution peut potentiellement engendrer des cancers du sein et elle peut faire évoluer le cancer du sein, une forme plus agressive. Alors c'est ça, parce que donc là on est dans ce mois du dépistage en fait, c'est déjà le premier pas important parce que ça permet d'éviter des cancers graves au final. Oui, absolument, c'est-à-dire que il faut bien voir une chose et bien comprendre une chose, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Lorsqu'on diagnostique un cancer du sein qui n'est pas propagé, pas métastatique, les chances de survie à 5 ans c'est 99%. Donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut pas dire que c'est bénin, évidemment. Psychologiquement, il y a un impact, les opérations, c'est quelque chose de très difficile à vivre, mais la bonne nouvelle c'est que la survie c'est 99% à 5 ans s'il n'y a pas de propagation. Par contre, si le cancer est propagé, s'il est pris en charge trop tard, ou parfois malheureusement il peut être déjà propagé même s'il est précoce, le taux de survie descend à 27%, donc on va dire seulement un quart des personnes survivent à 5 ans si le cancer du sein est propagé. Donc il y a un vrai enjeu à la fois de le détecter tôt et puis ensuite de prévenir sa propagation. Et là, pour prévenir, c'est là où vous pouvez justement nous conseiller? Alors conseiller, c'est pas si simple que ça. Conseiller peut-être par rapport à essayer d'éviter des contaminations chimiques. C'est-à-dire que nous, on a mis en évidence de notre laboratoire que certains polluants peuvent s'accumuler dans le compartiment gras qui est autour des tumeurs, mais ça tout au long de notre vie. Et le fait d'avoir des concentrations élevées de ces polluants, comme des dioxines, certains PCB, peut augmenter le risque de métastase, de cancer du sein d'ici. Il faut essayer évidemment c'est pas simple, d'éviter au maximum l'exposition à un grand nombre de polluants. On va en reparler bien sûr avec vous, hein. Merci en tout cas pour ce matin Xavier Coumoul, enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Cité, directeur d'une équipe de l'INSERM. Là on a fait rapide évidemment, vous serez jeudi plus en longueur à la MJC de Tain-l'Hermitage à 18h30 avec une autre scientifique, Catherine Brenner, pour la découverte d'un nouveau médicament anticancéreux. C'est dans le cadre d'Octobre Rose, plus d'événements également sur cette thématique sur le site ville-tain.fr. Philippe Costa avec son invité dans un instant sur France Bleu, Drôme Ardèche, 100% sport avec l'Ardéchoise Angèle Hugues, membre de l'équipe de France de canoë slalom depuis 2017, vice-championne d'Europe des moins de 23 ans cette année. Angèle Hugues est notre invité dans quelques minutes. Chaque jour avec Willy Rovelli et la tribu France Bleu. Bonjour, c'est moi. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Dans votre prochain numéro de votre grand talk show de la mi-journée sur France Bleu en direct à partir de 13h, tiens, on se posera la question, la prime rénov', est-ce que ça vaut la peine? En plus, il paraît que tout change à partir du mois de janvier, je n'y comprends rien. Eh ben, on y comprendra. Willy Rovelli et la tribu France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Demain, dès 13h. MMA, business entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie. À ne pas confondre avec la nostalgie. La nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Drôme Ardèche. Bonne fin de journée avec France Bleu Drôme Ardèche, il est 18h. Damien Triomphe. On est en vigilance orange pluie et inondation, la Drôme et l'Ardèche. Ça a commencé vers 16h, 17h par la Cévenne ardéchoise et l'Ardèche méridionale. 50 mm tombés en une heure globalement. D'abord l'Ardèche, puis ça arrive dans le sud Drôme et ça se poursuit cette nuit en remontant vers le nord. Et d'ici demain matin, sont attendus 70 à 100 mm, voire 200 mm de pluie localement, nous dit Météo France. On reste en vigilance orange pluie et inondation jusqu'à demain matin, 6h. La foire du Dauphiné de Romans a enfin trouvé son emplacement pour les prochaines années. Elle se déroulera à partir de 2025 sur le site des Glycines, en bordure du quartier de la Monnaie, près de la zone industrielle, sur un terrain de 6,5 hectares. 2025, pas l'année prochaine, le temps de réaliser les travaux, et parce que les organisateurs ne veulent plus la refaire comme cette fois-ci en centre-ville de Romans, de manière limitée. Les Glycines, donc, pour la future foire de Romans, site qui était en concurrence avec le secteur des chasses, après de l'aérodrome de Saint-Paul-les-Romans, pardon. Alors pourquoi ce choix ? Nicolas D'Aragon, le président de Valence Romans Agglo, nous l'explique. Il a été retenu parce qu'il est déjà aménagé, parce qu'il est en secteur urbain, parce que les voies de circulation, mode doux, transport en commun existent, parce qu'il est dans Romans. Et c'est important que la foire de Romans reste dans Romans. Et au total aussi, parce que l'autre site coûtait beaucoup plus cher à aménager, puisqu'il ne l'était pas du tout, et donc nécessitait des modifications de tous les documents d'urbanisme, des délais longs, et des dépenses de l'ordre de 26 millions d'euros, quand le site qui a été choisi est un peu plus que 23 millions d'euros. Donc on est vraiment sur un choix d'opportunité, à la fois du cœur, parce qu'il faut maintenir la foire de Romans à Romans, et de la raison, parce que ça coûte moins cher, ça va plus vite. Et la foire va donc officiellement déménager, après avoir été organisée pendant près de 60 ans dans la zone des Allobroges, site fermé en 2021 parce que trop proche d'usine Céveso, d'usine à risque. Tout est sur francebleu.fr. Un loup a été abattu la nuit dernière à Valmaravel, limite Drôme-Hautes-Alpes. Il avait attaqué deux fois en une semaine le troupeau d'une éleveuse qui a prévenu les autorités. Le tir a été réalisé hier soir par un lieutenant de louveterie. Il s'agit du 10e loup tué depuis le début de l'année dans le département. Ça faisait un moment, le gouvernement réutilise cet après-midi midi le 49-3 à l'Assemblée pour un texte du budget 2024 parce que le pays a besoin de ce texte, dit la Première Ministre. Je rappelle, ça permet une adoption sans vote. La France Insoumise et le Rassemblement National annoncent déposer des motions de censure. Le foot, la Coupe de France, le 6e tour, deux clubs pour représenter la Drôme Ardèche. Rhône-Vallée qui va jouer contre les Hauts-Lyonnais et le FC Pageois qui jouera à domicile contre le Thonon Evian Grand Genève. L'adversaire a un échelon de plus face à Rhône-Vallée, 4 de plus celui face au FC Pageois. Les matchs se joueront les 28 et 29 octobre et autant le dire, ce sera difficile. La météo 100% locale avec la grotte Chauvet 2 en Ardèche. Un nouveau spectacle 360 degrés. Une immersion dans 36 000 ans d'art animalier, de la préhistoire au street art. Et donc de la pluie, oui. Vigilance orange, attention. Bah oui, essentiellement sur le sud d'ailleurs de nos deux départements. Précipitations attendues. Alors des averses ce soir et puis ce sera plus continu à partir de la moitié de nuit jusqu'à demain matin. Risque d'averses présent d'ailleurs demain toute la journée, il faut bien le dire, mais elles seront plus rares. Les éclaircies seront assez timides demain. On aura par contre un vent du sud qui va se renforcer. Il soufflera en fin de journée et dans la nuit de jeudi à vendredi avec des rafales à 95 km/h. Le vent du sud sud fort et bon, des températures qui se maintiennent encore, hein, puisqu'on aura jusqu'à 23, 24 degrés en pleine. C'est encore relativement doux. On s'abrite, mais on se couvre pas. Oui, en voiture. Alors pour l'instant, tout va bien, y compris sur le sud, hein, sous la pluie. Donc sur la 7, la 49, pas de grosses difficultés à signaler. Sur l'agglo de Montélimar, ça commence à rentrer dans l'ordre à l'heure qu'il est, tout comme sur Romand d'ailleurs, a priori. Tintournant un petit peu compliqué encore pour la traversée de ces deux villes. Sur l'agglo de Valence, il y a du monde, et notamment sur la liaison entre Valence et Guirand par le pont d'Elonne, et du monde également dans la traversée de Saint-Péray. Pas d'accident, mais si vous voulez nous faire passer une inforoute, vous partagez au 04 75 40 10 10. Compétition ou loisirs, tous les sports sont dans 100% sport sur France Bleu Drôme Ardèche. On va pagayer dans un instant. Oui, on va essayer de pas trop ramer avec notre invitée Angèle Hugues, qui est membre de l'équipe de France de canoë slalom depuis 2017. Elle a terminé 10e au classement général de la Coupe du Monde cette année. On fait justement le bilan de la saison avec les JO de Paris 2024 en ligne de mire. Malheureusement, ce sera peut-être manqué pour Angèle Hugues. On va en savoir un petit peu plus dans un instant. Elle est notre invitée. On l'accueille après les Bee Gees et puis également après le duo entre Christophe Maé et puis Amadou et Mariam sur France Bleu Drôme Ardèche. Écoutez France Bleu Drôme Ardèche. Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits cas qui courent. l'amour, ça fait parler, ça fait le vide autour. Ça fait de nous des âmes heureuses, ça fait de nous des âmes seules. Ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat-jour. Ça fait stopper la cigarette, l'amour. Christophe Maé, Amadou et Mariam. 18h-19h. 100% sport. Notre invité dans 100% sport ce soir, c'est l'Ardéchoise Angèle Hugues qui nous rend visite. Bonsoir Angèle. Bonsoir. Merci beaucoup de venir nous voir à l'occasion d'un petit passage en Ardèche. Car oui, de temps en temps, vous avez le temps de revenir un peu sur votre terre natale. Angèle Hugues, 23 ans, originaire des Ollières-sur-Eyrieux et membre du club sport Ardèche également. C'est ça. On va parler de votre discipline, de cette saison en Coupe du Monde. On va débuter peut-être par le canoë slalom, puisque c'est votre discipline principale, Angèle, que vous pratiquez depuis l'âge de 6 ans, donc depuis toute petite. C'est ça, donc j'ai commencé à 6 ans le kayak slalom au début, puis je me suis mis au canoë slalom. Alors justement, c'est quoi la différence en dehors des embarcations? Alors, en kayak, donc on est assis et on a une pale double. Mm-hmm. On pagaie des deux côtés, tandis qu'en canoë, on est à genoux et on pagaie que d'un côté. Mais toute seule, toujours, pour toute le coup. Toute seule, oui. D'accord. En effet. Et alors, qu'est-ce que c'est que le canoë slalom? En quoi ça consiste? Alors, le canoë slalom, c'est donc un parcours à effectuer de 18 à 25 portes, sur un parcours en eau vive, donc, maintenant sur des bassins plutôt artificiels. Ouais. Avec des courses qui vont de 1 minute 30 à 2 minutes, sachant que une touche de porte rajoute 2 secondes de pénalité et une porte loupée 50 secondes. Une touche, c'est comment? C'est on touche avec le bateau, l'embarcation ou même son corps? Alors toutes les touches, donc corps, pagaie, d'accord, casque comptent, ouais. OK, donc les portes, ce sont des portes suspendues au-dessus de l'eau. C'est ça, les vertes à descendre et les rouges à remonter. Et oui, parce que parfois, il faut prendre la porte à contre-courant dans l'autre sens. C'est ça, ouais. Ce qu'on appelle des contre-courants. Donc, on n'a pas le courant à remonter, mais... Mais c'est toute la difficulté de cette course qui est très intense, parce que si vous dites 1 minute 30, 2 minutes, ça va vite. C'est une grosse accélération à mener. Oui, en effet, on est toujours à fond avec du gainage entre chaque porte, des décalés, des remises en posture. Donc, c'est vrai que voilà, c'est ce qu'on appelle un effort d'un aérobie lactique, avec oula, les termes. Ça va loin, effectivement. Et avec en plus du gainage, la précision à apporter et l'anticipation en eau vive. Alors, vous allez nous dire comment on se prépare pour faire du canoë slalom toute l'année, d'ailleurs, comment on s'entraîne à cela. Je le disais, c'est une discipline que vous pratiquez depuis toute petite, presque depuis que vous avez commencé le canoë-kayak, finalement. Qu'est-ce qui vous plaît dans le slalom? Déjà, la première chose qui m'a plu, c'est d'être dans un environnement dans l'eau, et surtout dans l'eau vive. Dans l'eau vive. C'est vraiment passionnant. C'est un environnement instable, donc faut jouer avec les éléments finalement, et ça procure vraiment des super sensations, de l'adrénaline. Voilà, il y a toujours un peu cette peur qu'on doit surmonter. C'est vraiment aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Et la peur, même aujourd'hui, c'est-à-dire quand on commence à quand même sérieusement maîtriser la discipline, l'embarcation, ça se joue après à d'autres choses, en compétition, mais on a toujours peur de se louper. Alors maintenant, il n'y a plus trop la peur de l'eau vive, parce qu'on y est habitué, mais il y a quand même la peur maintenant des parcours qui deviennent de plus en plus difficiles avec l'évolution de la pratique. Donc des parcours vraiment étriqués, et c'est vrai que voilà, des fois il faut jouer sur des rebonds et avec des vagues voilà qui sont vraiment pas évidents, et on a plus peur voilà de louper une porte que de la vague en elle-même. À 23 ans, quand on fait partie de l'équipe de France, on a quoi comme objectif? Ça dépend forcément des personnes. De mon côté, l'ambition c'est voilà, c'était vraiment de faire comme les plus grands, quoi, d'aller chercher des titres internationaux, des médailles en Coupe du Monde. Donc ce que j'ai fait cette année pour la première fois, c'était génial, de se placer parmi les meilleurs, d'aller chercher un classement international également, un jour se retrouver dans le top 10, voire top 7 en référence à l'Ardèche, au classement mondial, ce serait génial, ouais. Oui, parce que quand on est né en Ardèche, franchement, on pratique forcément le canoë-kayak, un petit peu. C'est vrai que oui, c'est un territoire propice. C'est de famille, hein, j'ai bien compris, chez les Hugues. Un petit peu, ouais. Ouais. Donc, quand on atteint l'équipe de France, les compétitions internationales, on a aussi des modèles, parce que finalement, le canoë-kayak, c'est une discipline. Alors oui, en Ardèche, on le pratique pas mal, mais c'est une discipline assez méconnue. Vous aviez quand même des modèles dans ce sport ? Oui, complètement. Pour commencer, voilà, les Ardéchois, c'est vrai que Nicolas et Benoît Péché nous ont bien montré la voie à suivre. Et ensuite, forcément, Tony Estanguet, qui est vraiment une figure du canoë slalom. Et voilà. Chez les filles ? Et chez les filles, alors Jessica Fox, qui court encore. Championne olympique. C'est ça, ouais. Et Ricarda Funk, donc en kayak. Voilà, il y en a plein d'autres, mais c'est les deux voilà, plus grandes figures. Angèle Hugues est notre invitée aujourd'hui dans 100% Sport. On va parler de la Coupe du Monde, du bilan de cette saison en Coupe du Monde pour vous, Angèle. Et puis on va aussi s'intéresser à ce qui vient. Alors évidemment, il y a les JO de Paris 2024, mais pas que. On verra pour la saison prochaine. Angèle Hugues reste avec nous dans 100% Sport. Grandeur Nature, le rendez-vous de la biodiversité sur France Bleu Drôme Ardèche. Végétal, minéral, animal, nos départements sont d'une richesse incroyable. À découvrir avec les explications des naturalistes, chercheurs, photographes ou tout simplement passionnés. Grandeur Nature avec Jean-Bernard Catella à 8h45 et 16h40, lundi, mardi et mercredi sur France Bleu Drôme Ardèche. Et à tout moment, en images sur francebleu.fr et sur notre page Facebook. Gîtes de France est la marque de tourisme la plus populaire en France. Vous louez un hébergement touristique ou des chambres d'hôtes, ou vous souhaitez en créer? Nos experts locaux vous accompagnent pendant tout le projet et sa commercialisation. Choisissez la qualité 100% Made in France. Rejoignez Gîtes de France. Contactez vos agences Drôme Ardèche à Valence et Privas. Venez célébrer les 10 ans du fascinant week-end en Auvergne-Rhône-Alpes du 19 au 22 octobre. Profitez de 200 activités sportives insolites, festives et gastronomiques proposées par 12 destinations viticoles. Entre vignes et coteaux, paysages et villages emblématiques, découvrez la richesse de nos vignobles du Beaujolais à la vallée du Rhône en passant par le Forez rouennais, les vignobles d'Auvergne, le Bugey et la Savoie. Programme complet sur fascinant-weekend.fr. France Bleu Drôme Ardèche, jusqu'à 19h, 100% sport. Un regard sur chaque sport.